Chapitre 18e. Avant de descendre à Marseille, Pérez s'assura que le divisionnaire Michaud pouvait effectivement la recevoir. La réponse étant affirmative, elle se munit du dossier de l'affaire, de l'arme, de l'adresse et du téléphone du collègue italien Russo. À l'accueil, elle s'adressa à un brigadier proche de la retraite et demanda le divisionnaire Michaud de la part de Gino Volpi. « Vous connaissez Volpi, madame ?»« Capitaine Pérez, » rectifia Michel. « Oui, c'est mon patron. »« Ah, je l'aimais bien. » D'ailleurs, tout le monde ici l'aimait bien. « Vous lui donnerez mon bonjour ?»« Jeanne de Case, vous vous souviendrez ?» Une adjointe de sécurité la conduisit au bureau de Michaud. Celui-ci la reçut avec un large sourire, non sans la détailler discrètement. « Alors, vous êtes sous les ordres de mon ami Volpi. Il ne vous casse pas trop les pieds, non ?»« Vous ne vous figurez tout de même pas que je vais vous dire oui, commissaire. »« Bien répondu, capitaine. »« Non, mais je sais que Gino est pénible. » Il est tenace, mais un peu têtu, quelquefois. Michaud commença par exposer à Pérez l'affaire du restaurateur. La victime avait été abattue dans la cuisine de son établissement. Aucun mobile évident. Par recoupement, on avait un suspect, un homme âgé, frayant avec une bande de petits noirs qui semait le haï dans le quartier. D'après les enfants, le jour du meurtre, le vieux avait payé les gosses pour faire éclater des pétards dont les détonations avaient couvert le bruit du coup de feu et détourné l'attention. Les mômes sont venus spontanément témoigner ? Demanda Pérez étonné. Non, ils sont venus presque une semaine après, parce que leur copain, enfin leur chef, Victor, avait disparu. On ne l'a toujours pas retrouvé d'ailleurs. Vous pensez que c'est le vieux qui l'a refroidi ? Non, nous avons une piste qui nous oriente vers un gitan receleur d'armes qui fourgue sa camelote au petit mac du milieu. Pour l'instant, on ne sait pas exactement qui. D'après ses copains, le minot avait décidé de lui acheter un flingue. Apparemment, il avait récemment fait des affaires qui lui avaient rapporté de l'oseille. Il est possible que ce soit le vieux qui lui ait fait gagner du fric. Et Pérez relata le rôle qu'avait joué Victor, car il s'agissait certainement de lui, dans le meurtre de la femme Anzelotti. Ils en vinrent ensuite à la personnalité de la victime marseillaise. Comme Anzelotti et Canepparo, l'homme était originaire de la province de Naples et avait sensiblement le même âge qu'eux. La police italienne n'avait pu les renseigner, mais pour l'instant, les enquêteurs du SRPJ n'avaient pas cherché plus loin. « Vous avez une photo du mort quand il était jeune ?»« J'ai convoqué son épouse. Elle devrait arriver d'une minute à l'autre. Je lui ai demandé de nous apporter tout ce qui pourrait nous donner des indices. »« En attendant, voici un Beretta qui appartient à Canepparo, un de nos deux Italiens. Je l'ai apporté, on ne sait jamais. Une seule balle a été tirée avec. Serait-ce celle qui a tué votre restaurateur ?»« Allez, capitaine, on croise les doigts. » Je le fais porter au labo, en leur demandant qu'il se grouille. 2 minutes après, un gardien introduisit Madame Gennarino, grosse femme pleine de bagues et de rhumatismes, qui s'assit lourdement en face des deux policiers. Nul besoin d'être grand clerc pour comprendre que cette femme avait dû travailler dur toute sa vie, sans vraiment pouvoir profiter de son argent. « Vous m'avez apporté les photos, Madame Gennarino ?»« Eh oui, oh pauvre! Pourquoi on me l'a tué, mon mari, dites ?» Il a travaillé toute sa vie, peu cher, total, pour finir le nez dans le roast beef. Vous rendez compte ? Regardez, leur dit-elle, le voilà quand il était jeune. Elle montra une photo en noir et blanc d'un jeune homme mince, souriant, coiffé d'un béret, devant un paysage ensoleillé. Ça, c'est en Italie, précisa-t-elle. Il était de Segondigliano, c'est ça ? Vous y êtes déjà allé ? Jamais de la vie, il n'a jamais voulu. Il n'avait plus de famille là-bas. Son pays, c'était ici, qu'il disait. Il ne se sentait plus marseillais que moi, qui suis du panier. De son dossier, Pérez sortit les photos d'Anzelotti et de Canepparo et les montra à la femme. « Vous les connaissez ? Vous les avez déjà vues ?» La femme regarda attentivement les photos. On sentait qu'au-delà des images, son esprit voyageait à la recherche de souvenirs plus ou moins lointains. « Oui, celui-là, je l'ai déjà vu, » dit-elle en montrant Anzelotti. « Il vient quelquefois manger, toujours tout seul. » Il prend des involtini, au poisson, à la viande, et il discute un peu avec mon mari. Vous croyez que c'est lui qui l'a tué ? Risque pas, madame, il a été assassiné avant votre mari. Oh, fatte des connes ! Ils ont déclaré la guerre à l'Italie ou quoi ? Ça, dit-elle en tapotant la photo de l'ongle, c'est un coup de la mafia, je vous le dis, moi. Mais votre mari, vous a-t-il dit qu'il connaissait cet homme ? Non. Pourtant, il était de la même province que lui. Ma foi ! Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Alors, lui, il est mort aussi. Eh ben, Fan. Et l'autre, là ? Dit-elle en montrant Canéparo. Non, celui-là est toujours vivant, heureusement, fit Pérez. Alors c'est lui qui a tué les deux autres, logique, s'exclama la femme. Non, madame Gennarino, ce n'est pas si simple que ça. En revanche, il est possible qu'il soit menacé, et zigouille à son tour. Porca miseria, mais dans quel monde on vit ? Se désola la veuve. Je suis tout estranziné avec ces histoires. Vous savez si votre mari avait retiré une grosse quantité d'argent ces derniers temps ? Ouais. C'est le banquier qui m'a mis la puce à l'oreille. L'autre jour, il m'a demandé si on allait changer la voiture. J'ai rien dit sur le coup, mais à la maison, j'ai cuisiné mon mari. Il n'a rien voulu me dire. Je me suis douté qu'il avait rencontré une de ces femmes qui vous mangent la fortune d'un homme en commençant par la queue. Vous ne pensez pas plutôt qu'il a été victime d'un chantage ou d'un racket ? Oh, pauvre ! Ça fait des années qu'on est racketté. Je vois pas ce qu'il aurait pu faire pour qu'on le fasse chanter. Non, c'est une histoire de fesses, j'en suis certaine. Et c'est pour ça qu'on l'aurait tué. J'en sais rien, moi. C'est vous qui devez le trouver, ça. Allez-y, je peux partir, parce que là, je commence à en avoir mon gonfle. Une fois la femme partie, un policier du labo demanda à parler à Michaud. Son sourire en coin disait assez qu'il avait des révélations intéressantes à faire. La balle qui a tué Gennarino provient de ce Beretta, sans aucun doute possible. Et c'est l'arme du dernier Italien. Donc, dit Michaud, la veuve avait raison, c'est le troisième homme qui a tué les deux autres. Non, ce n'est pas si simple que ça, dit Pérez. L'arme lui a été volée, certainement par le vieux aperçu à l'estac. Il y a ses empreintes dessus, ainsi que sur l'enveloppe qui le contenait. C'est donc bien le copain de Victor qui a fait le coup avec l'arme de Canéparo, l'Italien survivant. Pérez donna ensuite à Michaud l'email et le numéro de téléphone de Russo, le collègue de Naples. Envoyez-lui la photo de Gennarino. Il effectuera les recherches en même temps que celles des deux autres. En fait, je suis sûr qu'ils se connaissaient tous les trois. D'ailleurs, je viens d'avoir le cœur net. Pérez appela Canéparo de son portable. Au ton de la voix qui lui répondit, elle comprit que l'homme était enchanté de l'entendre. Biagio, est-ce que vous connaissez un homme du nom de Gennarino ? Non, je ne vois pas. Mais si, cherchez bien. C'est un restaurateur de l'Estac, sur le port, un spécialiste de la cuisine italienne. Elle dut attendre quelques secondes pour que Canéparo réponde enfin, d'une drôle de voix. Ah oui. Oui, ça y est. Le nom ne me disait rien. Mais je le connais, il a un restaurant sur le port. Tous les Italiens du coin le connaissent, vous pensez. Eh bien, il est mort, Biagio, d'une balle dans la tête. Ce coup-ci, l'attente d'une réponse fut tellement longue que Pérez crut qu'ils avaient été coupés. « Oh, Biagio, vous êtes là ?»« Oui. »« C'est bien dommage pour ce pauvre homme. »« On a eu des infos importantes, mais je ne peux rien vous dire par téléphone. »« Vous voyez, Michel, le prochain mort, ce sera moi. »« Biagio, tranquillisez-vous. »« Allez, il faut que je raccroche. »« Je vous rappellerai plus tard. »« Jusque-là, pas d'inquiétude. » Russo, joint au téléphone par un collègue italianisant, leur annonça qu'il avait concentré ses recherches sur les faits divers des années 60, dans tous les canards de la région entre Naples et Rome. Il lui suffisait d'ajouter un homme au tableau, comme trois hommes dans un bateau, vous connaissez ? Ajouta-t-il en plaisantant, et Pérez chantonna dans sa tête « Uno due tre, la pépine a fait le café. » En revenant au central d'Aix, elle fut appelée par le patron qui désirait certainement connaître les impressions du capitaine sur son ami Michaud. Quant à la teneur de l'entrevue, il avait déjà dû l'avoir directement de la bouche de son copain par téléphone. « Alors, fit-il, qu'est-ce que vous pensez de Michaud ?»« Que du bien, évidemment, patron. »« Vous avez fait connaissance avec mon meilleur ami, » s'exclama Volpi, comme s'il s'agissait d'un privilège extraordinaire. « Il était mon lieutenant à mes débuts, et depuis on ne s'est jamais quitté. Il est plus jeune que moi. » Mais en réalité, c'est lui qui a le plus de plomb dans la tête. Si vous saviez le nombre de fois où il m'a sauvé la mise. » Pérez pensait qu'elle s'en foutait totalement, mais elle n'allait pas le lui dire. Elle se contentait de sourire benoîtement. « Bon, » conclut Volpi, « si j'ai bien suivi l'affaire, il suffit maintenant d'attendre, non ?»« Exact, patron. » Elle le quitta pour rejoindre son bureau et mettre ses coéquipiers au courant du dernier développement de l'enquête. Tous étaient bien du même avis que Volpi, il fallait attendre. Canéparo, comme à son habitude, se réveilla vers 2 heures du matin. En général, il restait éveillé 1h30 à 2h, puis se rendormait d'une traite jusqu'au matin. Il s'assit au bord de son lit et se mit à l'écoute de lui-même. Il avait un sentiment bizarre. Ce n'était pas de l'angoisse, état qu'il côtoyait et avait apprivoisé depuis des années, lorsque certains contrats étaient à la limite de leurs possibilités, ou qu'il frisait la cessation de paiement, ou encore quand la journée du lendemain était tellement surbookée qu'il se demandait s'il serait encore en vie le soir. Non, c'était un sentiment qui n'avait rien à voir avec son état physique ou mental. Chose qui ne lui arrivait jamais, il sentit le besoin de faire de la lumière. Il se rendit dans la salle de bain et entr'ouvrit l'armoire à pharmacie. La petite lumière intérieure lui apporta un réconfort. Puis, il revint s'asseoir sur son lit. Mais ça n'allait toujours pas. Comme un automate, il alla dans le salon, décrocha son calibre 12 à pompe dans l'armoire à fusil et le coucha à côté de lui. Mais qu'est-ce qu'il était en train de faire, bordel ? Jamais il ne s'était abaissé à ça. Et soudain, il comprit l'évidence. Il n'était pas angoissé. Il avait tout simplement peur, la peur ancestrale, enfantine, animale, celle qui ne se raisonne pas. Et comme un zilouti au seuil de sa mort, il sut pourquoi il avait peur et de qui. Comment avait-il pu enfouir ce sentiment si naturel au plus profond de lui, alors qu'il aurait dû l'éprouver depuis plusieurs jours ? Alors, sur sa rétine, le visage de Michel vint s'imprimer, souriant, avec un regard doux plein d'affection. Il eut soudain soif d'elle, une soif immense, tel un naufragé dans le désert. Il voulait la respirer, la caresser, se blottir contre elle, être protégé, dorloté. Il prit enfin conscience du sentiment qui l'envahissait comme une onde brûlante. Il était tout simplement amoureux fou de cette femme, et c'était la première fois de sa vie que cela lui arrivait. Ah, il en avait mis du temps à découvrir l'amour. C'était délicieux, et en même temps très douloureux. Aussitôt, il se sentit mieux et comprit que cette femme était devenue indispensable à sa vie, seule capable de calmer sa peur. Conforté par ce sentiment qu'il avait tout de suite mis dans un coin secret de son cœur, comme un gris-gris, il put laisser remonter ses souvenirs, ceux qu'il avait vainement tenté d'oublier. Il se revit à Montesarchio, avec Caporazzo et Possemato, dévalant les rues étroites en escalier pour aller jouer au foot sur la place Umberto Ier. Habituellement, la partie s'arrêtait quand le ballon était tombé dans la fontaine d'Hercule. Il continue alors à vagabonder, cherchant toutes les conneries amusantes et néfastes à faire alentour. Les conneries, il les collectionnait, de plus en plus grosses, de plus en plus dangereuses, tranquilles qu'ils étaient pendant que leur mère s'échinait à l'ouvrage. Jusqu'à ce jour où, un peu rond, ils avaient décidé de dévaliser Mastro Cinque, vieil avare qui devait certainement posséder un magot. Il habitait seul une vieille baraque en dessous de la tour et en le bousculant un peu, on obtiendrait de lui tout ce qu'on voulait. Pour s'échapper plus vite, ils avaient emprunté la Fiat 600 de Dopo, un copain. Surpris, le vieux commença à pousser des cris apeurés, vite étouffés par Possemato qui le baïonna. Ils mirent la maison sens dessus-dessous sans rien trouver d'intéressant. Alors, avec des rires nerveux dus à l'excitation de l'alcool, ils s'en prirent au mobilier, souillant les fauteuils et les tentures. Tant pis pour le magot, mais il s'était bien marré. Tout aurait été parfait si la voisine, peu habituée à ce que Mastro Cinque menât un tel tapage à pareille heure, n'avait pointé sa trogne enfarinée. Caporazzo la rejeta violemment dans l'escalier. Il décampèrent dans la fiat de Dopo alors que la voisine hurlait à la mort. Ils n'allèrent pas bien loin, juste 3 rues plus loin. Dopo, bon prince mais pas fou, n'avait pas mis d'essence dans sa bagnole. Au lieu de l'abandonner, ils se mirent en devoir de la pousser. Le cul en arrière, l'échine baissée. C'est dans cette position peu glorieuse qu'ils furent cueillis par les carabiniers, un quart d'heure plus tard. L'aventure aurait pu passer pour une mauvaise farce, si Mastro Cinque n'avait pas fait une attaque fatale, et si la voisine n'était pas restée infirme de sa chute. Condamné à 10 ans de réclusion, Caporazzo, Possemato et Rapuano, c'était le vrai nom de Caneparo, furent incarcérés dans la province d'Avellino. Adieu la rigolade, la douceur de vivre, même avec les poches vides. Dans cette prison, ils firent la connaissance d'un être hors du commun, Alberto Pedicini, mafioso de la province de Benevento, il avait surpris sa femme, un berger entre les cuisses, la besognant hardiment sous le regard d'un bouc jaloux. Il avait cloué les deux amants dans la terre, les traversant tous deux d'un furieux coup de pique. Avant de se faire coffrer, Pellicini avait pu mettre à l'ombre un petit magot, gagner la sueur des ventres de femmes. C'était un méchant, un sournois, qui passait son temps à aiguiser des cuillères sur les pierres, pour en faire des armes, dont il se servait à l'occasion pour défendre son bien et sa réputation. Comment se lièrent-ils d'amitié avec ce malade? Il se le demandait encore. À 20 ans, on est facilement impressionné par des durs qui sont en réalité des starbés dangereux. Pellicini leur proposa de faire la belle avec lui. Pourquoi eux, précisément? Autre mystère. À partir d'une certaine heure, il régnait dans la prison une atmosphère fortement alcoolisée, particulièrement parmi les gardiens. Pellicini s'était procuré, grâce à l'entremise d'une poule qui avait vendu ses charmes à un gardien, une corde assez longue pouvant leur permettre de faire le mur. L'évasion fut décidée pour le soir du 31 décembre 1960. Toute la prison baignait dans une ambiance bon enfant, et tout s'annonçait pour le mieux. Lui, Rapuano, fut désigné pour s'élancer le premier à l'ascension du mur de 6 mètres de haut, car il était le seul à pouvoir le faire à main nue. Il accepta ce risque, à condition que ses deux copains seraient les suivants à passer le mur. Il parvint de l'autre côté, Pellicini lui lança la corde, après l'avoir noué à un anneau qui avait dû jadis servir à attacher les chevaux. Il s'attacha la corde autour du ventre. Étant le plus grand et le plus lourd, il n'aurait aucun mal à servir de contrepoids aux autres. Caporalzo fut le premier à se hisser le long de la paroi, tirant sur la corde. Possemato suivit, malgré quelques horions échangés avec Pellicini qui voulait prendre sa place. Les deux potes étaient déjà passés, sentaient les à-coups donnés à la corde par Possemato, occupé à se libérer des attaques de Pellicini. Malgré cette pseudo-trahison, les trois compères décidèrent d'encourager Pellicini pour que les choses allassent plus vite. Parvenu au sommet du mur, ce con de Pellicini restait là, à califourchon, et attendait, regardant de tous côtés. Des cris retentirent derrière le mur. « Mais vas-y, putain, qu'est-ce que tu fous ?»« J'ai détaché la corde !» se lamentait Pellicini. « Mais quel con ! Tant pis, saute !» Soudain, une rafale crépita. Pellicini sauta. Mais sa chute produisit un craquement bizarre qui leur donna des frissons dans l'échine. Hors de question qu'ils se farcissent le blessé à portée. La situation était déjà par trop critique. Comme lorsqu'ils étaient gamins, ils s'esbignèrent ensemble et se précipitèrent dans la nuit, éperdus de trouille et de liberté, semblant vivre un rêve ou un cauchemar. Ils décidèrent de regagner Montesarchio immédiatement et arraisonnèrent une voiture, en faisant croire qu'il fallait transporter d'urgence un blessé. Le conducteur resta battre la semelle au bord de la route en jurant qu'on ne l'y prendrait plus. La nuit de la Saint-Sylvestre était propice à un certain flou, autant en profiter. Nul mieux qu'eux connaissait Montesarchio. Ils avaient une cache sûre qui leur permettrait de se retourner, ainsi que des contacts qui pourraient les aider à franchir la passe. Giacodo, un vieux copain mafioso, leur fournit des pédigrés nickel-chrome, en échange d'un magot qu'ils étaient allés récupérer. La prestation de Giacono n'avait pas de prix tant c'était de la belle ouvrage. Quelques jours plus tard, en rasant les murs, ils prirent le train pour Rome, puis pour Gênes, et atterrirent finalement à Marseille, où ils décidèrent de vivre leur nouvelle vie séparément. Mais l'amitié et la curiosité firent qu'ils ne se perdirent jamais de vue. Tous les soirs, ils répétaient leur nouveau nom. Essayer d'oublier l'ancien. Finalement, la France des années 60 était un pays de cocagne où ils surent faire leur trou. Rapuano, Canepparo et Possemato, Anzelotti, unirent leur sort, sachant qu'en cas de pépin, leur chute serait commune. Discrètement, ils prenaient régulièrement des nouvelles de Caporazzo, établi à l'Estac comme restaurateur. Leur vie de Français était organisée pour durer tranquillement jusqu'à leur mort naturelle. Or, il n'en serait pas ainsi. Canepparo venait de comprendre que son intuition était devenue une effrayante réalité. Les deux autres étaient morts et logiquement il n'y avait aucune raison que Pellicini, ça ne pouvait être que lui, l'épargne. Déjà l'ancien tolard avait essayé de le compromettre par l'entremise de Pronzati. Qu'est-ce qu'il avait fricoté celui-là? En quoi était-il débiteur de ce malade Pellicini? Peu importait, après tout, il restait la peur. L'épouvantable certitude que ses jours étaient sérieusement comptés. Il devait tout raconter à Michel, car elle seule pouvait lui venir en aide. On dit que la nuit porte conseil, c'est faux. La nuit, si on est éveillé, les problèmes prennent des proportions gigantesques, les solutions se transforment toutes en cul-de-sac, et la déprime vous tire bientôt par les pieds dans son antre, comme une pieuvre. Non, ce qui porte conseil, c'est le sommeil. Libérons le cerveau qui peut ainsi se livrer à une mystérieuse alchimie occulte et accoucher au matin d'une pensée clairvoyante. Le noir n'est bon qu'à l'imagination, au rêve, pas à la réflexion et au raisonnement. Caneparo se força donc à ouvrir les yeux et à réfléchir en regardant la clarté de la salle de bain. Il se dit alors qu'il y avait un détail, et non des moindres, qui clochait. Les analyses prouvaient qu'Anzilouti et Anna avaient le même assassin. Mais pourquoi Pellicini avait-il assassiné Anna? Pour une double vengeance? Il était fou, d'accord, mais pas au point d'accomplir des meurtres gratuits. Chez lui, en bon professionnel, le crime avait toujours un sens. Anna ne lui avait rien fait. Elle n'avait pas participé au vol de son magot. Et que venait faire Pranzati dans ce bordel? Comment aurait-il pu connaître Pellicini qui, lui-même, n'avait eu aucune chance d'avoir un contact avec Giacono, celui qui leur avait fourni les faux papiers? Non, décidément, trop de points restaient flous. Il fallait attendre que l'enquête de police progresse un peu.